À la source de la rivière, c'est Dieu. Oh, oh, les saints que la mort n'essaie pas, chanteront la d'assistance. Oui, nous allons dans la chambre, à la merveilleuse rivière, pour amener tous les saints à la rivière, pour amener qui coule du trône de Dieu. Oui, nous allons dans la chambre, à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière, pour qui coule du trône, sais-tu. Bientôt à la pure rivière, le voyage est fini. Nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, pour amener tous les saints à la rivière, pour qui coule du trône de Dieu. Et nous allons, oui, nous allons nous rassembler à la nous allons nous rassembler, nous sommes à la merveilleuse rivière, oh, avec tous les saints à la rivière, oh, qui coule du trône de Dieu. Il y a un rendez-vous, un lieu de rencontre. Nous ne serons pas dispersés. Mais nous sommes un troupeau d'un seul berger. Nous n'irons pas de manière dispersée. Mais nous sommes membres d'un corps bien coordonné. Et Christ est le chef suprême. Il est la tête du corps. L'église unique du Seigneur. Prions. Dieu bienveillant, notre Père Céleste, source de salut et du bonheur éternel, sois le havre de paix, tu es la source et la fontaine de vie éternelle, tu es la vraie sécurité éternelle, et de toi viennent les choses éternelles. Père, que ton nom soit béni, glorifié et sanctifié dans nos cœurs, ici dans l'église et dans nos maisons, même nos maisons que nous avons laissées, que ton nom y soit sanctifié, que ton nom y soit glorifié, car tu es celui qui sécurise nos maisons derrière nous, tu es celui qui sécurise nos personnes ici. C'est grâce à ta parole que la mort est simplifiée. Tu as tout fait par ta parole. Et tu l'as fait simplifier par ta parole. Louange à ton nom merveilleux. Que nos cœurs t'adorent et te vénèrent. Pardonne nos insuffisances. Pardonne pour ce qui est faux à nos pères. Et mets à nous la divinité, la piété, la sainteté, l'amour par l'amour de la paix, l'amour du Père, toutes les choses du monde. d'être la sueur, d'être l'incrédulité, d'être et déplacé jusqu'ici. Oui, cet esprit qui a bravé. Oui, mon nom, son, le climat, il est interpellé. Il y a eu une forte pluie cette nuit. Oui, là, et les gens se sont réveillés dans la timidité. Peut-être que les maisons ont été un peu mouillées. Avec des surprises et des agréments. Non, mais tu nous as permis d'être ici. Nous sommes glorifiés. Nous ne voulons pas rater cette occasion. Mais nous voulons être présents. Là où tu communiques avec toi. Édifie notre foi. Guéris toute maladie. Reçois, Seigneur, tout problème. Reçois nos louanges, notre reconnaissance. Que ton nom soit grand parmi nous. Redoutable mieux les saints. Que tu nous laves dans l'eau de la parole. Que nous soyons blancs, plus blancs que la neige. Au nom de Jésus-Christ, le tout capable, nous prions ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la portion de la parole ici dans la Bible écrite. La portion de sa parole. Amen. Marc au chapitre 13. Malako. Marc 13. Nous prenons le verset 28 à 33. Marc 13, verset 28 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Masili ko salama. Likolo ekoli mwana se lokola. Kasi maloba na ngai makoli mate. Pona mokolo mpe na tango moto moko ayebi te. Soko banje na likolo te. Soko mwana te kasi bobele tata. Boke bape bosenjela. Po ete boyebi te soko elaka yango ekokoma tango nini. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 6 et 7. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, c'est le moment ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Na bongo esila ki bango koyanga na batuni ete. Motei, okozongi selaisa lele bopotina yetango oyo. Alobina bango ete, ezalili kamborabino, koyeba tango soko bilaka bisili tatako tia na bopotina yemo kote. Jean chapitre 14, verset 3. Yohane, zominamine. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de cette sainte parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, hein, le merveilleux et le surnaturel, le Dieu bon et miséricordieux, le Dieu parfait et incomparable. Et en son nom que nous voulons écouter la parole, en son nom que nous voulons prêcher l'évangile, c'est lui qui a donné l'ordre de prêcher l'évangile. Nourrir ses brebis, les instruire son troupeau. Oui, il a dit cela. Et nous sommes des enfants obéissants. Bienvenue à la table du Seigneur. Notre méditation de ce matin, on va porter un petit titre par la grâce de Dieu. Attendez l'enlèvement à tout instant. Non pas l'an 2023, ni l'an 2025, mais l'an 2026. Attendez l'enlèvement à tout instant. N'attendez pas l'an 2023. N'attendez pas l'an 2025. N'attendez pas l'an 2026 ou n'importe quelle autre année qui serait spéciale. Mais attendons l'enlèvement à tout instant. Ça peut se faire aujourd'hui. Ça peut se faire en 2022. Ça peut se faire en 2023. L'enlèvement. Il peut avoir lieu en 2024. En 2025. 2026. 2033. 2047. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure. Car le Seigneur dit dans sa parole, personne ne le sait. Personne ne le sait. Cette parole doit avoir autorité sur nous. Nous ne devons pas entrer dans des conjectures et spéculations. Les spéculations. Parce que derrière les spéculations, il y a le déviationnisme. Commencez à spéculer sur telle année, à la fin, vous vous retrouvez en train de dire des choses que Dieu n'a jamais dit. Et défendre des choses que Dieu n'a jamais défendues. Et soutenir des versions qui n'existent nulle part dans la parole. Quand je dis n'attendez pas 2023, c'est parce que dans l'ensemble du message, que nous avons, de la Genèse, l'année 2023 n'est mentionnée nulle part. Il n'y en a pas. Ni dans le message de Frère Brenham, ni dans la Bible écrite de Dieu. Mais il se raconte des choses. Au sujet de 2023. J'ai suivi quelqu'un qui a dit, il a écouté un pasteur prêcher, qu'il nous reste 3 mois de vivre sur la terre. Et tout doit finir d'ici 2023. Mais je me suis posé 102 questions. Une expression. La Bible dit, prêche la parole. Non pas prendre n'importe quelle pensée. Mais nous devons exprimer la pensée que Dieu a exprimée. Et les dire fidèlement. Amen. Êtes-vous là? Je sais que les spéculations et les choses, ça commence toujours de quelque part. Quelque part, on médite pour s'éveiller, pour attirer l'attention. Mais au fil du temps, les choses en parlent, les gens en parlent, et on s'éloigne de la pensée originale, et on se retrouve dans des défis. Et des ultimatums que Dieu ne connaît pas. Oyo, Zambé, que Dieu ne nous a pas donné. Bien-aimé, ne mélangeons rien à la parole. Balingami, tosangisa, elokote la liloba. Gardons la parole dans son contexte original. Tobati la liloba, na lolenge na yango ya ebandeli. Je sais que ces pensées ont commencé par la comparaison de la durée des âges des églises. Nabiete, mapaniswane bandi, na kokokisaka. On a comparé l'âge tel avec l'âge tel, l'âge tel avec l'autre. Il y en a un qui est plus long, l'autre est plus court. Bon, pour méditer, c'est pas mauvais. La pensée au départ, la méditation, elle est bonne. On réfléchit. Observer le temps et les signes de temps. C'est un ordre, il n'y a pas de mal. Voyez là, nous devons essayer de comprendre les signes de temps. Et le Seigneur a condamné justement les pharisiens et les autres. Parce qu'ils étaient capables de discerner l'aspect du ciel. Mais ils ne pouvaient pas lire les signes de temps. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu, Zomina Motoba. Nous trouvons le verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ba falisaye pe ba sadukaye bayaki pe pona komeka ye batuni ye ete amonisa bango elembolongwa na likolo. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Azongisele bango ete, na tango na pokwa, bokolobaka ete, lola ekozala malamu mpo ete likolo ezali motane, pe na tango na tongo ete mbula lelo mpo ete likolo ezali motane, pe ezali koyinda. Boyebi kososola bilongi na likolo nde, bokoki kososola bilembo na tango te. Bien sûr, il a réprimandé ces gens. C'est ce qu'il voulait avoir les yeux tournés vers le ciel là-bas. Voir quelques astronautes descendre. Ou un plateau de ceux bien cuit à partir du ciel. Et puis de là, voilà, par ce signe, Dieu a dit. Vous pouvez vous dire, c'est un message original. On a vu les signes de nos yeux. On a vu. Et pourtant nous avons le temps et nous vivons dans le temps. Voilà, tabongo tozali kati na tango ko bika kati na tango. Le soleil se lève, tango ibongo na ka mwese ko lamuka pe kolala. La lune apparaît la nuit, elle disparaît. Tanza ezali ko bima pe ko kota. Les étoiles aussi apparaissent à un moment et disparaissent. Les autres na tango moko bima ka pe ko. Ce sont des changements fréquents. Wana ezali mbongo na tango nyoso. Nous pouvons comprendre et lire les signes de temps. Biso toko ko soso la kotanga le mura tango. Mais nous continuons à réclamer un signe venant du ciel. Ko koza ko senga ka le mbu tala. Alors que Dieu a laissé ces choses autour de nous, pour que nous sachions bien lire les signes des temps. Tous ces changements qui interviennent doivent interpeller le cœur des fidèles. Il y aura un changement plus grand que ces changements mineurs des temps. Apprenons à examiner les choses et tirer les bonnes conclusions pour l'intérêt de nos âmes. Amen. Amen. Mais eux voulaient un signe venant du ciel. Mais que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce piège. À observer ce qu'il y a autour de nous. L'allure où vont les choses. Et les surprises qui peuvent surgir. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est écrit ici dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour le temps plus certaines la parole prophétique, la parole qui prophétise, qui annonce les choses à venir. Nous devons tenir ça pour certains. Et quand la parole annonce un certain événement en les termes précis ou d'une certaine manière, Il revient aux croyants de s'accaparer de ça. De veiller sur ça. Tel que Dieu l'a dit. Et si la parole a parlé de l'an 2023. Et que vous ayez une telle référence. Vous allez dans les locaux, alors attachez-vous à ça. Et veillez sur ça. Parce que la parole prophétique aura parlé de l'an 2023. Mais si elle n'a pas mentionné l'an 2023, et que vous n'avez aucune référence à ce sujet, n'inventez pas une telle référence. Ne philosophez rien, vous allez vous-même. Même si vous êtes si méticuleux en matière des événements, répétez ce que Dieu a dit. Gardez ce que le livre de Dieu a écrit. Ce qui n'est pas écrit. Et ce qui n'est pas écrit ne peut pas faire objet de notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour avoir foi et conviction, il faut que la parole l'ait dit comme cela. Car la parole ne l'a pas dit. Nous ne pouvons pas y croire. Il faut notre espérance de Dieu. Nous tenons pour le temps plus. C'est ce que la parole elle-même a dit. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Lorsque la parole prophétique décrit des événements qui vont s'accomplir, nous disons que les fidèles de Dieu ont tout intérêt à s'y attacher. À veiller sur ce que Dieu a dit. Tel qu'il l'a dit. Pour en vivre l'accomplissement. Dans Apocalypse chapitre 1, nous lisons ceci au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et Sengo, na motangi pe na bayoki na maloba na masakoli oyo pe ba oyo batosi makambo basili kokoma makati na yango wete elaka ejali pene pene. Alors, la question. Botuna. Qu'est-ce que la parole prophétique a-t-elle dit au sujet de l'an 2023? Réponse, rien. Deuxième question. Botuna, qu'êtes-vous garder au sujet de l'an 2023? Réponse, rien. Parce que la parole n'a rien dit à ce sujet. Et les croyants, c'est la parole et avance. Amen. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Comme nous glissons dans les commentaires. Locola, tous allez côté mon c'est trois mois de vivre. Et c'est calé pour son message. Décembre, vous allez voir. Ma sans amis, vous allez voir quoi? Beaucoup bon anini. Il ne faut pas semer la psychose dans les esprits des gens. Et c'est un côté là, le lingue mon boulou katina, ma carité à bateau. Il n'y a aucun intérêt d'entretenir une atmosphère de fin du monde. Tous allez dans le lingue qui a couvandé sa zébi, le coup de la soupe à la moitié. Il a marqué le temps de sa propre vie. Il connaît exactement quand la fin se produit. Aïe, dit tango, l'une est souka et coco. Mais il dit à vous, veillez prier à tout le monde. Vous ne savez pas. Et puis le mot édité. Quand viendra chez toi. Tango, l'une, wana et coco ma. Ah, vous, il ne veut pas les faire savoir. Mais lui, notre Père, il le sait. Il te demande de vigiler, de veiller. Et quand la parole dit veiller, et alors je dois veiller. Et que dois-je garder? Que dois-je retenir? Je dois payer. Et c'est la sèche là. Jour et nuit, veillez. Pour tout c'est la sèche. Mais pourquoi tu veilles? Parce que la parole a dit veillez. Pour tout le là. Pourquoi tu gardes ça? Pour nous allons combattre la parole. Dieu a donné l'ordre de veiller. Ça, il a fait sur le dos, ça, pour sèche, il a fait. conduit merveilleusement, c'est ça. Il sait où il nous conduit. Et il nous conduit de mieux en mieux. Que son nom soit béni éternellement. Nous avons confiance. Il nous conduira au bon port. Marche l'assurance. Il fera concourir toutes choses à notre bien. J'ai l'assurance. Il a dit ce qui sera sa parole. Qui s'allie le banaye. Je l'assurance. Il confirmera son message. Et il fera tout ce qu'il a prévu. Tel qu'il l'avait prévu. Alors, le jour et l'heure de l'enlèvement, nous ne le savons pas. Oh, béni soit le Seigneur. C'est inconnu. Et Dieu a dit, personne ne le sait. Après, vraiment, m'ajoute dans son commentaire. Que tu dises qu'ils le savent. Ils vous dites, oh, moi j'ai la révélation, frère. Et moi Dieu m'a révélé. Il m'a. Dieu ne peut pas agir contre sa Bible. Un jour, les disciples réunis ont demandé au Seigneur, mais en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, et quelle a été sa réponse? Et nous avons lu dans Actes chapitre 1, ce n'est pas à vous. J'aime le langage du Seigneur. Amen, amen. Nalinga kai lobeli encore penza. Amen, c'est vrai. Trop direct. Yé, aloba kambala moko. Et ta libinoté. Kouyeba. Bamogana batango. Oye Satan a l'icolo, a fixaye mokana bokosinaye. Amen, c'est vrai. Et taliminote. Et ça a souci na yote, préoccupation de. Ce n'est pas votre besoin. Wana, l'icambola binote. Ce qu'il vous faut. Oui, c'est qu'il faut la bino. Que vous recevrez une puissance. Amen. Bino mokoya mabobelenguya. Saint-Esprit sirvenant. Oui, mon santo, kofita ka l'icolo na bino. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Jérusalem. Dans la Judée, Katina, Yuda, dans la Samarie, la Samalia, jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens cherchent ça. Les gens cherchent les dates et les années. Mais Dieu vous a dit de quoi vous avez besoin. Lambalobi, nini vous allez vous faire. Vous cassez la tête. Vous allez vous faire. Les calculs, les années, les dates. C'est ce que nous vous a demandé de chercher. Vous vous en foutez. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Frère, est-ce que ce que le Seigneur vous a demandé? Ce genre de travail, qui vous a demandé? Au lendemain, l'an 2000, vous allez voir. Mais qu'est-ce que vous allez voir? L'an 2000, on a vu quoi? Les agitateurs. Il y en a trop dans le milieu du message. Ce sont des agitateurs. Ils viennent secouer les niches d'abeilles. Le geste là léger. Derrière ce geste léger, d'aller agiter une niche d'abeilles. Ils ne savent pas qu'il y a un gros danger en faisant ça. Bah, évitez, les camas, mon les alliés, qu'on s'en a pas de problème. Bah, quand il y a, yo, il y a la France, c'est, on va demander qu'il y a des gars, ça va, là. Oh, je veux voir ce qu'il faut faire. À côté, là, tout va se faire. Parce qu'on a mis, yo, mon, qu'on a gagné à Zolo, et puis on a gagné à Matoui. Tu n'entendras plus rien, tu ne sentiras plus l'odeur. Et pour qui, moi, le col, vous travaillez moi, je vais vous laisser les abeilles tranquilles. Si ça va, toi, qui m'a. On y m'a, les gars, c'est là. Bango, basu adresse la bango le colo ya zete kuna. Sika bango kuna. Ou te, ou mouni, en se couant, et dire au cachot, je vais avoir un avocat qui va tomber ici. On dit ça la commune. Après, si je vais comprendre, j'ai faim. L'avocat va tomber. Yangwe kukuya, mais tu n'auras même pas l'occasion de ramasser. La makukite, pendant que l'avocat tombe, yangwe zali kukuya, toutes les abeilles se sortiront de la vie. Parce qu'ils vont sentir que tu les as mis en danger. Bango bakoyoka, otaki bango ils déstabilisent leur maison. Vous allez couper du sanda. Elles vont réagir par droit de légitimité. Parce que chaque humain, cette créature, a droit à la quiétude dans sa maison. Oui, azalaka na bosenga kimya. Ufande le balamu na ndako na ye. C'est comme toi, tu viens dans une parcelle, tu trouves un chien méchant. Oui, il n'avait pas beaucoup de Au lieu de chercher, qui est venu chercher? Tes yeux sont si méchants. Mais ils sont en colonne à Imba. Moindre geste. On est à la montée. Et puis le chien comprend que tu es un péril. Bon, ce serait que nous allons bangi. Mais tu es un péril. Tu essayes de l'intimider, créer la peur. Vous allez comme ça, vous bangi, c'est pour le coquin, vous bangi, ça y est. Transférer ta peur à toi. Vous allez comme ça, coquin, tu lèves, vous bangi, ça y est. Il va te signer. Il va t'attaquer. Apolandayo, pinza. Yo, aux hommes, c'est là. C'est quoi ton boula? Et ton boula? Vous allez voir, non? Miséricorde. Ah ouais. Ne soyons pas des provocateurs. Vous allez te battre dans les combats de Sakamakambo. Vous allez te battre dans les combats de Chaque créature a droit à la quiétude dans son domicile. Ok, la mignonne soit dans la Vosenga et Kimi a effondré le malam. On a la niche d'abeille tranquille. Si Kanda Koyabanzo et Kimi a continué ton chemin, va faire tes affaires. Ou Banzelanayo, Salamakamayo. Le chien faire son chemin. Si Kaimbo a Salanzelao et Yé. Ne multiplie pas des gesticulations. Oui, comme si tu essayais de communiquer avec lui. Le coup là, vous allez pouvoir vous faire son chemin, passe. Salanzelao et Léka. Voulez-vous? Vous mais c'est aussi simple que dire oui. N'allez péter, n'allez pas chercher des problèmes qui vont vous dépasser la tête. Mais avant de commencer, soyez sûr que vous avez la maîtrise. Dieu a dit, vous recevrez une puissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça que ton âme a besoin. À tout moment, c'est ce qu'il faut chercher. Il faut être rempli de toutes les choses. Au lieu de passer nuit, de se réveiller. Oh, 2023. Calaté 2023. Qu'est-ce que Dieu a dit pour 2023? Mais vous nous annoncez des choses qui vont se passer 2023. Il n'y a rien. Et le côté. Mais pour la venue du Seigneur, il a dit, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai apprêté une place, je reviendrai, et je vous prendrai à ce afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, non? Nous l'avons écrit même ici. Au petit tableau ici. Je reviendrai et je vous prendrai complété afin que voilà. Quand la parole est dans votre cœur, même s'il y a un voile, il ne sera jamais un blocage. Donc on peut commencer la phrase et vous l'achèverez. Il a donné la promesse. C'est Jean 14, verset 3. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, c'est la parole prophétique. Nous t'annoncerons pour d'autant plus simple. Ça se réalisera. Dieu le confirmera. Dame, le Seigneur Dieu l'accomplira. Il le fera pour ceux qui y croient. Mais il y a dans le milieu le message déjà qui n'y croient pas. Qui prêche que Bissoban son appâle. Ils disent, l'enlèvement collectif, que tout le monde comme ça soit arrêté. Il n'y aura jamais eu. Les mêmes aventuriers qui racontent des histoires. Ah, Thomas, c'est qui moko, Kurubaka Makambo. Hier, j'ai suivi une vidéo de toutes ces folies que le diable a décidé de répandre. Un prédicateur dans un plateau. Il dit aux journalistes. Mais Branham est plus grand que Jésus. Oh, les journalistes disent, oui, vous voulez dire? Alors, vous voulez dire? Dis non, il dit, Branham, c'est lui qui a créé Jésus. Alors, Branham, c'est lui qui a créé Jésus. Vous voyez ce que les gens sont? Bon, moni, ou va te basali. Oh, je veux vous expliquer ça. Ah! Alors, c'est Branham qui a créé Jésus. Alors, Branham, c'est lui qui a créé Jésus. Vous voyez? Bon, moni. le diable veut nuire au message. Zabolo ali ko sala penja mabena sanguyo. Et c'est justement ces soi-disant croyants. Azale ko sala la o to zale ko benga lokola ba ndimbe sanguyo. Ils sont soi-disant prédicateurs du message. Lokola kutu azale lokola ba teya sanguyo. Ngwala. Ils sont sur la nouvelle naissance. Ils peuvent être sur la mota ba c'est ça. Sur le baptême du Saint-Esprit. Ola libata malu mo santo. Et sur l'appel au ministère. Ils sont la mbela pola lotomo. Un homme appelé de Dieu bon, ne peut jamais en arriver là. A petit coco, mais le Moussanda va l'atté. Le Seigneur qui a répandu son sang pour l'homme. A fini qu'on sauve pas la clé pour la copie, tu sais, on est venu établir sur l'église. A propos tel qu'on est l'église, c'est le banni. Bah, tombe au cœur de l'église là. Les assassins sont criminels. A banni. Banni les grands chemins. Bah, on a peiné ma famille la mienne. Les âmes sous le soleil. Bah, on va aller pour ça, ma peine pour la mienne, la faire moi aussi. Ça scrupule. Pour ça, on a connu tout ça. Très. Alors, Dieu serait aventurier. Voilà, on a connu la moutama, c'est qui? Inutile même de dire aux gens d'être sérieux. Si, il a coutu, tu sais, quand ça à la bâtonne yogi. Alors, ça, c'est un pasteur. Voilà, bon, on va aller moutier. Hein? Et vous trouvez des gens derrière, allez, vous payez la dîme et puis dire, voilà l'homme qui vous a mangé ma dîme. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils trouvent qu'ils ont le réveil. Oui, oui, c'est un réveil, mais des démons. Les démons vous sont réveillés dans les mensonges pour mourir et fêter autour de moi. Le véritable réveil du ciel qui parle l'esprit de vérité. Et il vous conduira dans le sens de la vérité. Pas dans le sens de Christ. Pas dans le sens de l'esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. L'on prétend toujours avoir bien compris le message. Mais au final, on n'a rien compris. Notre message est dans la Bible. Il a profondément cette sainte Bible. Nous allons la matière mon beaucoup là en gros. Il vient pour rétablir. Il est pour la causeon qui ça. Ce qui a été. Boyo et Zalaki. Êtes-vous là? Vous allez voir là. Benozan à la comparaison de la durée des âges de l'Église. Toya na koko kanisaka. Il le connaît déjà. Pour voir d'où est venu ce problème de 2023. Pour comment on a les campagnes où tu as pu à mon beau la côte mi balé tout mi balé la migration. Si c'est 2023, exploité comme cela, alors 2025 aussi doit être exploité de la même manière. Et 2026 aussi doit être exploité de la même manière. Mais nous disons n'attendez aucune de ces années. Êtes-vous là? Vous allez voir là. Prêt à naviguer dans le message? Vous allez voir là pour tambour à quatre sango. Il est dit d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Vous l'avez dit là, ma maman, son peu aussi, moi, j'allais malamou. Nous ne sommes pas censés flotter à... Ils ont signé l'été, côté n'a tenga, n'a, matin, nous sommes beaucoup. Vous allez laisser comme malamou à côté, les bains. Ils sont tous aux aïtés, les assassins, parce que vous savez, vous avez bien malamou. Oh, au Seigneur de fait connaître. Tout le message. Voilà, n'ingongo sambo, sango mobimba. Apprendre un morceau et prendre la position. Tout le message. Mobimba. Oh, au sujet du mariage interracial, tout le message. Et on nous amène distraction de Branham ou rien. Ah, des folies. Laissez-moi. On a voulu ma. Jésus ou rien, Branham ou rien. Vous manquez à faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Ça nous sert à quoi? Jésus ou rien, Branham ou rien. Jésus ou rien, Branham ou rien. Vous voulez la nini. Voyez frère, soyons sérieux avec les choses de Dieu. Alors si tu es d'un groupe de prières, tu vas dire où? Quand on dit Jésus ou rien, ça doit être ça qu'on doit soutenir, non? Ouais, tu es dans le groupe de prières. Et si tu es un branhamiste, alors tu vas dire, mais quand on dit branham ou rien, mais c'est ça, non? Et ici nous sommes des chrétiens s'il vous plaît. Ah ouais, tous allez à Christ. Ni groupe de prière, ni dénomination, ni branhamiste, ni quoi que ce soit de quelqu'un de l'Église. Nous voulons être chrétiens pour moi. Amenez-nous la parole, parle. Amen. Amen. Toujours des polémiques. Vous voulez qu'on vienne dans la maloba, pour soi n'a qu'à. Nous allons miser la galerie. On a commis ce félicitat. Et vous voulez faire de l'église les dindons de la farce. De Laodicée avec l'âge d'Éphèse. Na, et le coup d'Éphèse. Et à la base, qu'est-ce qu'on se dit? On va commencer avec le premier bilanini. Et Bandeli. De tous les âges de l'Église. Et le codon sur l'Église. Qui avait vécu avant nous. Oh, et puis t'as le bosson habito. L'âge le plus court. Oh, y'a mon coup, c'est mingi. Depuis l'âge d'Éphèse. Et l'âge où l'Éphèse. Et maintenant, or. Et ça y fait. Or. Une réflexion. Un raisonnement. Oh! Frère Branham me dit que l'âge de Laodicée, il sera très court. Mais il n'a pas dit que l'âge de Laodicée sera le plus court de tous les âges. Il a dit que l'âge de Laodicée sera très court. Mais il n'a pas dit que l'âge de Laodicée sera le plus court de tous les âges. Ça n'y est pas dans la parole. De deux. Je mets Kikongo dessus. La Branham n'a pas dit que l'âge de Laodicée sera plus court que l'âge de Fès. Et qu'on a la moukoussé pour les cas et les connaissances. La parole, comme ont appris nos enfants de l'école, je suis le rapport, non? Je dois suivre le rapport. Que nos enfants ont appris ce matin. La parole, c'est la pensée exprimée. Chaque pensée, pour être vraie, doit être soutenue par des preuves réelles. Si Dieu l'a exprimé ainsi, nous l'avons exprimé comme ça. Nous sommes liés à la vérité et non pas au système d'église. Nous sommes liés à la vérité. Êtes-vous là? Vous allez là? Allons, maintenant nous allons essayer de détailler. Après avoir attiré l'attention. Ce qui n'est pas dit dans la parole, n'est pas dit dans la parole. Alors, on trouve une méditation qui a bien commencé. Mais dans les commentaires, les spéculations sont arrivées. Vous commencez maintenant à dire, l'âge de l'Odyssée sera plus court que Éphèse. Nous ne pouvons pas dépasser l'an 2023. Est-ce que la parole a dit que nous ne pouvons pas dépasser l'an 2023? Je vais le dire. Vous avez peur? Vous allez vous banger. Mais je vous montre comment on a dévié. Nous ne pouvons pas dépasser l'an 2023. Nous ne pouvons pas. Qui a dit ça? Est-ce le prophète Branham? Vous allez vous saper Branham? A-t-il dit que nous ne pouvons pas dépasser l'an 2023? Non. Mais pourquoi vous retenez ça? Ça vient d'où? Et où tu vas? De nulle part. C'est à mon côté. Les spéculations. Je vous fais remarquer ceci. S'il faut faire cette comparaison. Une des choses que Frère Branham dit au sujet de l'âge de l'église d'Éphèse. Au sujet de son début et sa durée. Suivez avec moi. Il y a une phrase, je vais vous la lire. Frère Branham dit que l'âge d'Éphèse a duré environ 120 ans. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Ça il est dit. L'âge d'Éphèse a duré environ combien? Alors, dans la prédication orale sur l'âge de l'église d'Éphèse, quand il prêchait verbalement, il a dit que cet âge d'Éphèse a commencé en l'an 55 et il a pris fin en l'an 170. Ça vous donne combien d'années? La durée. 115 ans. Ça c'est la prédication verbale. Je vais vous les lire. Vous devez Nous devons avoir des références aux autres des terres dont nous parlons. Mais dans l'exposé de cet âge de l'église, frère Levi a pris la prédication orale comme le prophète lui avait demandé, pour la forme de livre, et il a ajouté des références historiques. Lui dit que l'âge de l'église d'Éphèse a commencé en l'an 53. Et ça a pris fin en l'an 170. Ça vous fait quelle durée? 117 ans. Mokama nazomi na sambo ya mibu. Voilà. Maintenant, le raisonnement, quand on a voulu dire que l'âge de l'église de l'Odyssée doit être plus court que l'âge de l'Éphèse, plus court par rapport à quelle référence? Si vous faites le calcul, vous savez que l'Odyssée, âge de l'Odyssée, oui, a commencé en l'an combien? Et bandaki nambula nini? Mokama, Mokama, n'est-ce pas? Kotomoko. Alors, Tukulibwa na motoba. Prenez maintenant les exercices divers ici. Bonjour, Bangalasi c'est belé ou yo? Quand on a voulu calculer la durée probable de la Tukulibaki, ko salamituya ya mulai ya ile kona l'Odyssée. Premier exercice. 1906 plus 117. Potomoko, comment les bois? Namotoba, c'est du Kotoboni. Ici, il y a 3. Hein? On a 2. On a 0, 2. Ça vous donne l'an 2023, c'est ça, non? C'est ce qui nous. Donc, ceux qui parlent de 2023, ils réfèrent à l'exposé de cet âge de l'église. On a pour durée de l'âge de l'église. On a pour durée de l'âge de l'église. 53 à 170. On a pour durée de l'âge de l'église. Et pourtant, ce n'est pas l'unique référence. Pour la durée de cet âge. Pour la durée de cet âge. Êtes-vous là? Vous allez là? Mais si nous prenions, c'est toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans la prédication orale prêchée par l'Église. Et que nous prenons la durée de 115 ans. Nous faisons un deuxième exercice. Voilà, je salue la fille de Mibale. 1906. Plus 115. Babati ici. Ça nous donne combien? 2-0-2. Donc en réalité, nous devrions même attirer l'attention sur l'an 2021. Mais c'est passé inaperçu à cause d'une tangente. On a pris une partie de la parole pour réfléchir, mais pas toute la parole. Si on avait pris tout, on aurait commencé à tirer sur l'an 2021. Mais l'an 2021 est passé tranquillement, alors qu'il y avait une matière à réfléchir. Nous sommes déjà en 2022. Mais on est en train de tirer sur 2023. C'est passé. C'est même passé. Maintenant, quand nous prenons la référence qui dit que l'âge de Fès a duré environ 120 ans, nous aboutissons à un troisième exercice. Depuis son début 1906, donc, je peux même vous dire, parce que nous connaissons dans le milieu du message, comment réfléchissent. Si Dieu permettait que 2023 passe comme 2021, tant que les choses étant annoncées ne se réalisent, vous verrez les mêmes esprits rebondir avec 2026. Je mettrai encore à dire attention, 2026, s'il vous plaît, bon, ne développez pas des tendances. Il a permis que dans le message de l'heure, restera comme ça. Yango etika la mauvaise bongo. Et ici d'ailleurs, c'est même utilisé en approximatif. Ah ouais, écoute, malheureusement, à peu près ni. Zinga zinga. On va pas dire précisément. Voilà, pour le bâtir la suite ici. À peu près. Malheureusement, à peu près ni penza. Voilà. La Bible a toujours raison et c'est notre absolu. Bible a tant de choses longues à ça. Elle dit personne ne le sait. Yango la longue la vie. Ça veut dire que mon soutien est yango. Et ceux qui spéculaient disaient, oh non, il est vrai que le Seigneur a dit, pour ceux qui est de l'année, mais il n'a pas dit que pour ceux qui est de l'année. Et en partant d'un raisonnement vicié comme ça, un raisonnement infecté par un virus, vous allez tirer toujours de fausses conclusions. Et vous allez commencer à fixer d'année en année, sans pouvoir vous répondre. Les années vont passer après, vous allez vous réveiller, vous sortirez de vos cachets avec vous. Prenant les gens pour des dupes. C'est pas bon. Ici, dans la prédication. Ah, voilà, l'idée, hein. L'âge de l'église. Le connaître, de Fès. Effecé. Bon, c'est plutôt le, l'exposé, pas la prédication, l'exposé de cette l'église. L'exposé. Na vileko à la page 74 Lukasa tukusambona minei le tout premier alinéa wana angela kotanga liboso. Paul a fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du premier siècle. Paulo a salaki ekeza na Éphèse na katikati ya tango ya liboso kuna. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse vers l'an 53 après Jésus-Christ. Yango pe division zela ya kutia ebandeli ya ekeza wana na mobu ya tukumi. Avez-vous finalement la référence pour 53? C'est pas frère David qui invente ça. Et il nous dit ce qui est déjà dit. C'est vers là, hein? 53. Après Jésus-Christ. Nasima na kubika na Jésus-Christ. Ce qui est de l'année de la fin de cet âge, c'est toujours 170 ans. Toutes les références s'accordent. Wana bichale le 170. Il y a une différence. Il y a une différence. 53 ici. Awa, tukumitano, alors, plus loin, toujours dans l'exposé, osika, et parlant toujours de l'âge de l'Église d'Éphèse, à la page 88, wana, na lokasa, tuku mwambe, na mwambe, premier alinéa, il lit Apocalypse 2, verset 4. Atangi, moni, seli, mokapami, bale, tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier. L'âge d'Éphèse, hein? Qui a duré environ 150 ans. Zinga mokama na tuku mibale. Jérémie, Dieu vivant. Avez-vous la référence pour 150 ans? Vous allez l'étaler le pont na mokama tuku mibale. Et le mot environ? C'est le beliwana zinga. Environ 150 ans. Pene mokama na tuku mibale. Et si nous allons dans les environs? Pour comparer à l'Odyssée, ça nous amène à 2026. C'est une manière partielle de faire la lecture de cette référence-là. Par rapport au message. Il dit, ce message s'adresse à l'âge tout entier. Il y a duré environ 120 ans. Ainsi, ce message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours dans les générations d'Israël. Nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis dans la génération suivante, le feu diminue. Et dans la troisième génération, il reste quelques braises encore. Mais dans la quatrième génération, il peut bien ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. Donc le message est donné à l'origine avec une grande flamme. Mais plus les années passent et que les générations se remplacent, l'intensité de la flamme diminue. Et vous retrouvez à peu près les mêmes vices et défauts qu'on a reproché aux autres. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le milieu du message. Quand nous avions deux avec le message, on ne pouvait pas imaginer que les gens adoreraient Branham un jour. On ne pouvait pas imaginer toutes ces doctrines de jugement qu'on a imparées. Je pense que le réveil prend la durée dans le temps. Vous allez pour attendre. La grande flamme qu'on avait aujourd'hui. Et quand il y a des bandits, nous sommes interpellés ici. Il y a une méditation intitulée les églises de nom meurt. Les églises qui n'existent ne fonctionnent que par les noms de l'église. En donnant l'impression d'être vivants. Savoir le message de vie. Elles sont en train de se mourir. Pourquoi? Parce que le tombe dans les fosses du passé. Plusieurs dans les murs du message commettent les fosses de dénomination. Sont en train de ramener le vieux système. Mais l'amour de Dieu ne se retrouvera que dans cette minorité. Soyez heureux d'être du nombre de sauvés du nombre. Gardons la parole originale et la puissance originale de la foi. Voulez-vous croire ça? Dieu, par son message, nous a montré que tous les mal de tous les âges, on les vivra dans cette phase de la Odyssée. Mais attention, toute la puissance soutiendra en Pentecôte. Il y a Dieu qui est quitté là où est bandelé. Il y a on n'a pas qu'à craindre les défauts. Mais nous avons un Dieu de promesses qui marchera avec ses fidèles pour leur faire vivre la puissance de la Pentecôte malgré l'apostasie dans l'Odyssée. Béni soit le nom du Seigneur. Il vous délivrera du cabot. Il amènera la gloire de la Shekinah. Il rétablira l'église dans sa beauté première. Il amènera la gloire de la dernière maison. La plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. Dieu répétera l'histoire. Dieu restaurera l'église. La minorité des élus. Le petit bout du Seigneur sera rétabli dans sa beauté originale. Vous avec toute la puissance de la Pentecôte. Que celui qui aime la vérité dise amen. C'est ce que nous ne voulons pas de l'hybridation. Nous ne voulons aucun levain parmi nous. Que nous voulons un peu de levain, fait lever toute la Pentecôte. Nous ne voulons pas des mensonges mélangés. Pas une pensée fausse qui s'église. Nous devons toujours nettoyer nos vêtements. Nous allons notre Est-ce que vous prenez conscience? Nous ne cadonnons rien au diable. Nous sommes authentiques et véritables. Nous sommes authentiques et véritables. Tout don parfait. Amen. Et toute grâce excellente. Amen. Et ça va venir à l'icône. Père de lumière. Et ça va venir à l'icône. Et pas une bonne année salitée. Et on va venir à l'icône. Et on va venir à l'icône. Il y a une grâce excellente. Et ça va venir à l'icône. Et Dieu nous tient en réserve. Zambé, à bon bel Dieu approuve les âmes de ses frères. Zambé, à l'icône, à bon bel Dieu nous tient en réserve. Excellent. Voilà, on nous ressemble. Nous nous humilions. Nous serons assis à cela. Nous sommes pour que ta patte dans le monde. Excellent. Nous ne trompe pas. Mais qui est accompagné de vérité. Car si vous êtes bien mis à vos solos. Car la loi est venue par Moïse. Oui, tiens, mon père passe dans les années. Mais la grâce et la vérité. Nous sommes le solo. On peut lui faire changer. Et rien ne sera la justice. La grâce excellente du Seigneur. Nous sommes l'homme pour les bancs. Elle existe jusqu'à maintenant. Et allez, tu le fasses avec nous. Dieu fait grâce. Dis-le à ton voisin. Dieu fait grâce. Une grâce excellente. Humilie-toi. Amen. Et tu possèdes. Seigneur, on se sent. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La grâce souveraine du Dieu souverain. La grâce salutaire qui amène le salut. La grâce salutaire qui produit les fruits. Et la parole. Oui, Dieu a posté. Mais il y a aussi le don de la grâce. Et Zalipé, Nalika, comme des dispensateurs. Le coup, la de grâce, grâce de Dieu. Y a Bangolou, Mingi, Zambé. Pierre 4, verset 10. Mon canal pour faire péter le miné. Des grâces diverses de Dieu. Yabangolou, Mingi, Zambé. Chacun de vous. Mettre au service des autres. Le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Dispensateur de ses grâces. Avant d'en dispenser, il doit d'abord la recevoir. Et quand il l'aura reçu, vérifie si c'est la grâce excellente. Parce que la Bible dit dans le proverbe que la grâce est trompeuse et la beauté est. Parce que vous êtes la femme qui crée l'éternel, c'est celle qui sera louée. Qui dit amen. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Vous êtes dans les pambas. C'est dont mon âme a besoin. Ce n'est pas d'une grâce trompeuse. Vous êtes dans le message de grâce. Vous êtes dans le Bible de l'opération. Pour que la grâce lui abonde. Vous êtes dans le Bible de l'opération. Vous êtes dans le Bible de la grâce véritable. Que Jésus-Christ a apporté. Jésus-Christ a écrit comme moi. Oui, la parole se cherche. Il y a une loi que nous parlons. Grâce et la vérité. Pour nous faire le Dieu marche. Et c'est cette grâce que je veux recevoir. La grâce excellente. Bonjour, la grâce véritable. Oui, à son offense. Qui nous vient de Jésus. Vous allez pour y accéder. La clé, c'est juste l'humilité. Mais tous ces dons que Dieu possède. Ah, c'est pour les anges. Mais il a donné ça à l'église. C'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour nous, ses disciples. C'est pour nous, ses croyants. Oh Dieu, fais grâce. Fais couler ses grâces. Donne une portion à chacun. Prends ta loi dans les nouveautés. Comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Il a dit ceci. Au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Parce que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons f J'aime entendre ça à chacun de nous. Je comprends par là que personne n'est excepté. Et tu l'un de nous? Et tu heureux d'être l'un de nous? Heureux d'être l'un d'entre eux? Vous bénéficiez de cette grâce excellente? Que Dieu bénisse ta foi. Et à chacun de nous là. Sans exception. Sans favoritisme. Sans discrimination. À chacun de nous là. La grâce a été donnée. Hein?